Okay. Ah oui, les autres, c'est le groupe aussi. Alors Michel, sur ma droite, Michel, aide-moi à parler, s'il te plaît. Au clavier, oui, bien sûr. Et au chant. Surnommé crâne de but ou tête de suppositoire. Ah, tu parles d'un surnom, toi. Ah ben, on en apprend tous les jours, ouais. C'est vrai? Eh oui. Ah. Ah ben, dis donc. En solo, guitare, derrière moi, sur ma droite, enfin sur votre gauche, à vous, Sébastien. Il le mérite bien aussi, hein. Alors, j'ai un spécimen rare sur ma gauche. Qui a aussi une la basse, le clavier. Non, il chante pas. Enfin, tu pourrais t'y mettre, hein, quand même. Si, on a besoin de cœur dans le groupe. Si, si. Christian, applaudissez-le. C'est vrai qu'on n'est pas très très bavard, mais bon, on va essayer de faire des efforts. Et celle qui chante, c'est Sandrine. Et à la fin du spectacle, elle se mettra nue devant vous. Oui, c'est une éventualité, bien sûr. Et je me mettrai nue parce que j'ai eu une demande, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un est venu me demander si je pouvais même me mettre nue ce soir. Et ce soir, je vais me mettre nue, effectivement. Voir qu'elle est bonne, celle-là. C'est un suppositoire nu. Patience.